Lady Roxana ou l'heureuse maîtresse. Par Daniel Defoe. Notice sur Daniel Defoe. Il n'est pas rare en littérature qu'un livre immortalise un homme et tue l'œuvre entière de l'écrivain. L'abbé Prévost est l'auteur de Manon Lescaut, Bernardin de Saint-Pierre l'auteur de Paul et Virginie, Goldsmith l'auteur du Vicaire de Wakefield et Daniel Defoe l'auteur de Robinson Crusoe. On ne s'inquiète pas de savoir si ces chefs-d'œuvre populaires sont, comme la fleur de l'aloès, une éclosion magnifique mais solitaire, ou s'ils sont préparés, amenés, soutenu et comme expliqué par une série d'autres ouvrages de moindre mérite, sans doute, mais d'un intérêt encore bien vif, puisqu'il marque les phases de l'évolution d'un grand esprit. Nul plus que Defoe n'a souffert de ce dédain superbe de la postérité. Nul plus que lui n'a des titres à entrer dans cette galerie des auteurs de chefs-d'œuvre et de curiosités littéraires qu'on ignore ou dont on ne se souvient pas. Daniel Defoe naquit à Londres en 1663. Il eut pour père un boucher. Il reçut une solide instruction. Son père était un dissenteur ou dissident, c'est-à-dire un ennemi de l'Église anglicane officielle. L'instruction est souvent tenue en plus haute estime dans les sectes que dans l'Église dominante. Les raisons en seraient faciles à donner, mais elles sont aussi faciles à comprendre et les exposer nous entraîneraient trop loin. Il serait également trop long de raconter comment Daniel Defoe, destiné d'abord au commerce de la bonneterie, jeta, si l'on veut me permettre cette application particulière d'une phrase leste et banale, ses bonnets par-dessus les moulins, et dès l'âge de 21 ans, s'annonça comme publiciste par un pamphlet où il prend parti pour la civilisation contre la barbarie, et montre à ses contemporains que la haine du catholicisme ne doit pas leur faire souhaiter de voir l'Autriche engloutie sous l'inondation des Turcs. Il est alors lancé dans la politique militante à ses risques et périls, et il ne s'y ménage pas. Complice du duc de Monmouth et agent actif de la Révolution de 1688, auteur d'un poème où il prouve que le devoir d'un véritable Anglais est de reconnaître Guillaume d'Orange, conseiller du nouveau roi, agitateur parlementaire, pétition de la Légion, 1701, il acquiert sous la reine Anne une notoriété qu'il paya cher par la publication de son pamphlet « The Shortest Way with the Dissenters », le plus court chemin pour en finir avec les dissidents. Ironie sanglante, où il propose la pendaison comme unique remède et dont les conformistes conçurent une rage d'autant plus grande qu'ils avaient pris d'abord Defoe pour un des leurs et sa cruauté dérisoire pour un zèle de bon aloi. Leur déconvenue se traduisit par le pilori et la prison dont leur tolérance gratifia l'auteur. Dans sa cellule de Newgate, celui-ci parvint non seulement à écrire, mais à faire publier un journal politique et satirique que toute la presse militante du monde entier peut fièrement revendiquer pour aïeul. Car s'il y avait déjà quelques feuilles de nouvelles ou d'adresses, rien de pareil n'existait encore. Ce journal, The Review, la revue, dont le premier numéro parut le 19 février 1704, fut d'abord bi-hebdomadaire. À partir de l'année suivante, il se publia 3 fois par semaine et dura 9 ans. Il n'a jamais été réimprimé. Ce serait pourtant une grande curiosité, car on n'en connaît, paraît-il, qu'un exemplaire complet, jalousement gardé dans une bibliothèque particulière. Le reste de sa vie politique, quels qu'en soient les revirements et les péripéties, ne doit pas nous arrêter ici où nous avons à donner quelques notes bibliographiques et non pas à faire une biographie. Nous n'avons pas davantage à prendre parti dans la controverse qui vient de s'élever sur la question de savoir si Defoe fut un héros ou un coquin, tout en croyant cette fois encore que la vérité se tient entre les opinions extrêmes. Il nous suffira de rappeler qu'après avoir été de nouveau condamné à la prison et à l'amende, 20 000 francs, il passa les 15 dernières années de sa vie occupé de travaux littéraires dont le nombre et la valeur ne l'empêchèrent pas de mourir dans la misère, à l'âge de 70 ans, en 1731. Peu d'écrivains furent aussi féconds. L'œuvre de Dumas, à laquelle tant de collaborateurs mirent la main, est à peine comparable comme quantité à celle de Daniel Defoe, lequel n'eut jamais, que je sache, ni rédacteur ni préparateur. On compte qu'il écrivit 250 volumes et brochures, parmi lesquels, sans parler de Robinson Crusoe, plusieurs romans de longue haleine, tels que « La vie, les aventures et les pirateries du capitaine Singleton »,« La vie du colonel Jack »,« Les mémoires d'un cavalier », »,« La vie de Moy Flanders », »,« La vie et les aventures de Duncan Campbell », etc. Citons encore dans des genres divers « L'histoire du diable », »,« L'histoire de la grande peste de Londres », morceau resté classique, « Le nouveau voyage autour du monde », etc., etc. Les œuvres de Defoe n'ont jamais été réunies en une collection complète. L'édition en 4 volumes et une 8e de Londres, 1810, est bien insuffisante. Il en est de même de celle que l'on trouve à la Bond's Standard Library, en 7 volumes, la seule que le public puisse aujourd'hui facilement se procurer. On en annonce heureusement une édition complète, moins les écrits périodiques, en 22 volumes, chez messieurs Bickers et fils. Le roman dont nous offrons pour la première fois une traduction, exacte et complète au public français, est avec Moy Flanders l'œuvre la plus remarquable de Defoe romancier. Encore une fois, je laisse à part Robinson Crusoe, livre unique que tout le monde connaît sans doute, mais qu'il me faudrait bien plus de pages que je n'en ai à ma disposition pour faire connaître ici. On trouvera dans Lady Roxana toutes les qualités et les défauts de l'auteur. Une négligence voulue, des longueurs, des répétitions d'idées autant que d'expressions, une absence d'art, enfin, qui pourrait bien être chez Defoe le comble de l'art, car elle donne à ses récits une intensité de vie et une vraisemblance tout à fait extraordinaire. Il est inutile de dire que notre traduction n'esquive rien, qu'elle est un calque aussi fidèle et aussi pur qu'on a pu le faire, mais nullement un arrangement ni une interprétation. Les romans de Defoe, dit M. Léon Boucher, professeur de la faculté des lettres de Besançon, toujours sous la forme autobiographique, ont un accent de sincérité qui leur donne l'air de confession, et la fiction chez lui n'est que le trompe-l'œil de la réalité. Cette dernière métaphore, qu'il faut être professeur pour avoir le droit de se permettre, n'en donne pas moins l'impression aussi exacte de la manière de l'auteur de Lady Roxana. En notre temps de réalisme et de naturalisme, le trait n'est pas fait pour déplaire. Et cependant, peut-être sera-t-on choqué en France, plus qu'on ne l'est dans la patrie du choking, de la liberté de langage, souvent grossière et touchant parfois à la brutalité, dont l'auteur use sans le moindre embarras. Mais la langue a pris, depuis le XVIIe siècle, en Angleterre comme en France, des délicatesses outrées qui n'ont rien à voir avec la véritable morale. C'est le privilège de nos auteurs classiques de se faire lire de tous, et, qui plus est, de se faire étudier dans les classes, avec leurs nudités ou leurs rudesses d'expression, sans qu'ils éveillent de pensées déshonnêtes dans les esprits les plus raffinés comme les plus innocents. Sans parler des autres où les exemples seraient trop faciles à prendre, qui reproche à Racine d'avoir, dans une pièce religieuse destinée à être jouée par des jeunes filles rigidement élevées, introduit ce vers où il est dit de l'altière Vashti, Qu'Assuérus la chassa de son trône ainsi que de son lit. Qu'on ne s'effarouche donc pas trop si le lit est souvent et naïvement mis en scène dans le livre de Defoe, dont je demande à donner ici le titre entier, avec sa prolixité amusante et caractéristique de l'époque à laquelle il fut écrit. L'heureuse maîtresse, ou histoire de la vie et de la grande diversité de fortune de Mademoiselle de Belot, plus tard appelée comtesse de Winselsheim en Allemagne, qui est la personne connue sous le nom de Lady Roxana au temps du roi Charles II. Londres, 1724.